franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. On n'est pas là pour mettre le doigt dans le furoncle et remuer la merde. Et voilà pourquoi, formulé de façon élégante, Olivier Marchal a refusé d'évoquer dans son dernier film « Les Lyonnais » l'assassinat du juge Renaud. Un assassinat où pourtant ses héros, les membres du fameux gang des Lyonnais, ont joué un rôle notoire et peut-être même le premier. Mais comment s'étonner de l'attitude de ce cinéaste et ancien policier alors que, curieusement, diverses sources essaient aujourd'hui d'évacuer la dimension politique de cette affaire, le premier assassinat d'un magistrat en France depuis la Libération. Ainsi, un grand flic à la retraite, Charles Pellegrini, ancien patron de l'Office central de répression du banditisme, peut-il écrire « À mon avis, l'erreur a été de focaliser sur une seule piste, la piste politique. Peut-être que finalement la vérité est moins compliquée. Le juge Renaud a peut-être tout simplement été flingué par des petits voyous désireux de monter en grade en liquidant la terreur du milieu lyonnais. Il ne serait donc plus question de financement de partis politiques, ni même d'impliquer le SAC, ce service d'ordre gaulliste qui avait la particularité de servir de base arrière à bon nombre de malfrats. Bref, fermons le banc, puisque 7 juges d'instruction se sont épuisés en vain à rechercher la vérité. Mais ce n'est pas l'avis de M. X qui, il y a bien longtemps, m'avait déjà parlé de l'assassinat de François Renaud commis à Lyon en juillet 1975. Retour sur une enquête avortée ou sabotée. Faisons d'abord la part de la légende. Le juge Renaud à Lyon, bah, c'était le shérif. Ah oui, d'où le titre du film d'Yves Boisset, hein, consacré à François Renaud. Alors bien entendu, ça n'était pas tout à fait un magistrat comme les autres. Oui, il dérangeait, quoi. Bah, en tout cas, il ne détestait ni provoquer, ni montrer sa singularité. Autant par ses tenues vestimentaires que par les méthodes musclées dont il usait avec les truands. Et ça allait jusqu'où, ça? Oh, bah, rassurez-vous, il ne se colletait pas physiquement avec les malfrats. Mais il faisait parfois une utilisation abusive de la détention provisoire. Et surtout, et ça les voyous ne lui ont pas pardonné, il s'en est parfois pris à leur compagne. Ouais, en les envoyant en prison. Exactement. Et ça a choqué ces messieurs. Pour eux, les affaires devaient se traiter entre hommes et leurs femmes devaient être respectées. Oui, ça c'est la prétendue morale des gens du milieu. Hein. Oui, enfin pour moi ça c'est du pipeau. Hein. Non, la vraie raison, c'est que lorsque les femmes demeurent en liberté, bah, non seulement elles peuvent aider leurs hommes emprisonnés... En leur faisant parvenir de l'argent. Oui, ouais. En payant les avocats, mais elles continuent de s'occuper des affaires courantes et de gérer le trésor de guerre. Les femmes en détention... Bah, cela voulait dire que les gangsters étaient en quelque sorte asphyxiés. Mmh. C'était par conséquent une forme de chantage qu'exerçait le magistrat. C'est certain, mais enfin, passons. Donc, le juge Renaud était incontestablement la bête noire du milieu lyonnais. Et ça allait très loin. En 1973, des détenus de la prison Saint-Paul s'étaient révoltés. Montés sur les toits, ils avaient crié leur haine du juge et menacé de le tuer. Ouais, et 2 ans plus tard, des hommes sont passés à l'action. Alors, rappelez-moi. Le 2 juillet 1975, François Renaud et sa compagne, Barbara, dînent en ville chez des amis. La soirée se prolonge et il est près de 3 heures du matin, lorsque le couple prend congé. Renaud et Barbara montent dans leur voiture et se dirigent tranquillement vers le domicile du juge, monté de l'observance. Renaud se gare et le couple sort de voiture quand une autre voiture s'arrête à leur hauteur. Bon, sans doute quelqu'un qui a besoin d'un renseignement, pense Renaud. Ne s'inquiète pas. Non, Pourtant, il a reçu des menaces. Oui, j'y reviendrai. Est-ce qu'il était armé ? Il l'a été, mais Renaud se méfiait de sa propre impulsivité. Et après un incident qui avait failli mal tourner, il avait préféré laisser son arme chez lui. Alors, reprenons. Soudain, il s'aperçoit que les passagers avant de la voiture portent des cagoules. Il voit aussi l'éclair d'une arme. Aussitôt, il écarte son ami pour la protéger, la prend par le bras et tous deux s'éloignent en courant. Oui, il a compris. Oui, effectivement, l'un des passagers de la voiture est sorti. Il tire en direction du couple qui dévale la pente. Renaud et Barbara zigzaguent pour échapper aux balles. À cet instant, le tueur remonte en voiture. L'auto fait une rapide marche arrière. Le couple va être rattrapé. D'autant que Barbara, en robe longue et talons hauts, a du mal à courir. Alors le juge cherche une protection derrière une voiture en stationnement. Il oblige Barbara à s'allonger et lui-même s'accroupit devant elle pour une fois encore la protéger de son corps. Il pense donc d'abord à elle. Oui, car s'il l'avait abandonnée, il s'en serait sans doute sorti. Mais Renaud n'était pas ce genre d'homme. Ouais. Et ensuite, alors, que s'est-il passé ? Le tueur a fait le tour de cette voiture. D'un coup de pied, il a repoussé le juge et l'a froidement abattu. 3 balles de 38 spéciales dans le cou et la nuque. Renaud ne pouvait échapper à la mort. Ça ressemble à un contrat. Hein ? Évidemment. J'ajoute que les assassins n'ont pas laissé d'indices, à part les douilles des munitions qu'ils ont tirées. Et leur auto volée, bien sûr, sera retrouvée un peu plus loin. Mais elle ne fournira aucune information utile aux enquêteurs. Pourtant, on l'apprendra que très tardivement, ceux-ci auraient pu suivre une piste qui les aurait menés très vite à l'un des assassins présumés. Et quoi, alors ? Je veux parler d'un incident très curieux, qui s'est déroulé une semaine avant la mort de François Renaud. Ce jour-là, le 24 juin, des policiers lyonnais en train de verbaliser des automobiles en infraction voient un homme qui descend d'une voiture et se dirige vers une déesse qui a déjà fait l'objet d'un PV. Et quand l'individu monte dans l'auto, il l'interpelle. Ouais, un banal contrôle. En effet. L'homme fouille dans ses papiers, laisse tomber une carte grise qui ne correspond pas au véhicule qui semble être le sien. Puis il présente son permis de conduire. Mais soudain, il démarre en trombe, bousculant au passage l'un des policiers. Il grille un feu tricolore et disparaît, tandis que l'autre voiture, celle qui l'a amenée, démarre à son tour. Ouais. Mais l'homme a donc laissé son permis entre les mains des policiers. Et la carte grise qui l'a fait choir. Un papier qui correspond à une voiture volée. Quant au permis, il appartient à un certain Jean-Pierre Marin, un repris de justice. Détail intéressant, cet incident s'est passé non loin du domicile du juge Renaud. Et après coup, on peut penser que Marin et les hommes qui l'accompagnaient procédaient ce jour-là à un repérage des lieux. Mais après la mort du magistrat, on n'a pas établi de rapport entre cet incident et l'assassinat 8 jours plus tard. Effectivement, oui. En tout cas, vous conviendrez que pour se conduire d'une telle façon, ce Jean-Pierre Marin devait se sentir très fort. Oui, ou protégé. Oui, on peut l'imaginer. Cependant, le commissaire Richard, chargé de l'enquête, grâce à des indicateurs, obtient très rapidement le nom des 3 tueurs présumés. Dont ce marin ? Exactement. Ouais. Et il les fait arrêter, alors ? Non, parce que, dit-il, il ne dispose pas de preuves pouvant les incriminer. Ouais. Mais s'il avait connu le rapport sur l'incident du 24 juin, il aurait eu une bonne raison de demander des explications à ce Jean-Pierre Marin. Hein. Ben, c'est ce que je pense, oui. J'ajoute qu'au moins l'un des tueurs présumés identifiés a des liens avec le gang des Lyonnais. Or, nous allons en reparler. Cette affaire du gang des Lyonnais était l'un des dossiers les plus brûlants dont s'occupait Renaud. Nous avons donc 3 tueurs présumés qui demeurent libres comme l'air. Cependant, maladresse ou pas, le préfet de police laisse entendre au début du mois de janvier 1976 que la police connaît leur nom, même si elle ne dispose pas de moyens pour les confondre. Et il donne des détails qui ne laissent aucun doute sur la possible identification de ces 3 hommes. Conséquence Elle est énorme. Ces tueurs présumés prennent peur. Ils vont voir leur avocat et demandent à être protégés. Car l'un d'eux, Marin, affirme même que si la police le trouve, elle ouvrira le feu. Ouais. Et c'est ce qui va se passer. Oui, ouais. Marin, dont le nom apparaît dans une autre affaire criminelle retentissante, l'enlèvement du petit Mérieux, est logé, comme disent les policiers. La maison où il s'est réfugié est cernée. Il tente une sortie en voiture. L'auto est littéralement mitraillée. Plus de 40 projectiles ont été tirés. Et Marin est tué. Naturellement, bien qu'il n'ait pas été prouvé qu'il avait une arme à la main. Ouais. Alors, conclusion. On aurait voulu l'empêcher de parler qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Au sujet de la mort de Jean-Pierre Marin, extrait du livre du journaliste Richard Chitli, consacré aux gangs des Lyonnais. Les policiers affirment qu'il était sorti avec un pistolet calibre 11.43 en main, qu'il n'a pas eu le temps d'utiliser. Ils soulignent que plusieurs armes et munitions étaient entreposées dans le pavillon. Nervosité accentuée par la dangerosité prêtée au personnage et par le climat ambiant. Les proches de Jean-Pierre Marin n'en croient pas un mot. Pour eux, c'est une exécution sans sommation. La disparition de Jean-Pierre Marin casse net le cours de la justice. Coupable ou innocent, sa fin brutale empêche toute avancée dans deux des affaires les plus retentissantes de l'histoire judiciaire lyonnaise. Vous avez dit que le dossier le plus brûlant traité par le juge Renaud était celui du gang des Lyonnais. Un gang dont les méthodes de hold-up ont été redoutablement efficaces. Leur plus gros coup ayant été celui de Strasbourg. Oui, le hold-up de La Poste, perpétré en 1971 avec une audace folle. Et qui a rapporté gros, très gros à leurs auteurs. À plus de 11 millions de francs de l'époque. Une vraie fortune. Il s'agissait d'un transfert de fonds de la Banque de France vers l'hôtel des Postes. Le fourgon blindé était occupé par 5 convoyeurs et 2 policiers armés. En outre, il était suivi par une voiture de police avec 4 autres hommes armés. Difficile donc de l'attaquer. Pourquoi les gangsters vont utiliser une autre méthode que l'attaque frontale et violente, comme elle se pratique souvent contre les fourgons des entreprises spécialisées. Le véhicule pénètre donc dans l'hôtel des Postes. La porte grillagée est refermée, la voiture de police rebrousse chemin. À l'intérieur, les convoyeurs chargent les sacs de billets sur un chariot, direction la chambre forte. Mais devant la salle des coffres, 5 hommes armés de mitraillettes les attendent. Attends, comment sont-ils entrés Par une porte dérobée qui est habituellement condamnée. La suite est prévisible, les convoyeurs sont braqués, les gangsters s'emparent du chariot et disparaissent avec les sacs. Pas un coup de feu n'a été tiré. 1 milliard de centimes en coupures usagées viennent de s'évanouir dans la nature. Et la fuite des gangsters a été très habilement préparée. Et quand ils ressortent par cette même porte condamnée, une fourgonnette attend. Les sacs sont rapidement chargés. Le véhicule prend la direction d'un petit bois à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg. Là, d'autres hommes s'emparent des sacs. Et les gangsters à la mitraillette reviennent tranquillement en ville. Ce qui est remarquable dans cette affaire, c'est que les auteurs de ce hold-up étaient parfaitement renseignés. Et cela veut dire qu'ils ont bénéficié de complicité, oui. Mais malgré leurs efforts, les enquêteurs ne trouvent rien. Et il faut attendre les confidences d'un petit indice pour que les regards se tournent enfin vers Lyon. Ouais. Lyon, dont l'un des caïds est alors un certain Petit Jeannot. Oui, Jean Auger. Ouais. Un mot là sur ce personnage. Petit Jeannot, c'était aussi un homme qui fréquentait le gratin politique. On ne pouvait rien lui refuser. Et d'ailleurs, Auger savait renvoyer l'ascenseur quand il fallait financer une campagne électorale de la majorité, par exemple. Il appartenait au sac, hein. Bon, en principe, il n'était pas encarté. Mais à Lyon, tout le monde savait qu'en réalité, il en était l'un des membres les plus influents. Oui. Comme d'autres caïds de la pègre, il avait commencé à flirter avec la politique pendant la guerre. Ah oui, alors, collabo ou résistant? Dans un premier temps, ses intérêts, bien compris, le portent plutôt dans le camp des vainqueurs. Ouais, comme les truands de la carlingue à Paris. Oui, mais Auger voit sans doute plus loin qu'eux. Très opportunément, il vire de bord et la légende veut qu'il organise alors quelques hold-up pour la résistance. Oui, en somme, il met ses compétences au service des résistants. En tout cas, ça permet à Petit Jeannot de sortir de la guerre avec les honneurs. Ça lui a aussi permis de faire des rencontres utiles. Par exemple, des résistants qui feront un peu plus tard des carrières politiques, mais également des gens bien placés dans la police ou les services secrets. Auger veut avant tout s'assurer de puissantes protections pour mieux faire ses petites affaires. Les hold-up, le racket, la drogue, les machines à sous, et j'en passe. Mais surtout les hold-up. Petit Jeannot est un spécialiste. Un organisateur hors pair. Les braquages qu'il inspire sont minutieusement préparés. Tout est prévu, minuté. Mais lui-même n'intervient pas sur le terrain. Ah non, il a passé l'âge. Et puis, au fil des années, grâce aux protections dont il bénéficie, Petit Jeannot s'est donné les apparences d'un honorable commerçant. Un commerçant très prospère qui devient peu à peu l'un des patrons du milieu lyonnais, sans jamais cesser de donner des coups de main à ses amis gaullistes, connus autrefois dans la clandestinité. Il participe ainsi à la lutte contre les FLN. Puis plus tard, Auger fait partie du réseau de barbouzes qui mèneront clandestinement la lutte contre le RS. Et ça, ça le conduit directement au sac. Hein. Naturellement. Au début des années 70, ce parrain du milieu lyonnais est alors tout puissant. Il est accoquiné avec une bande de voyous, ferrailleurs ou proxénètes, parmi lesquels certains se trouvent être des gitans. Ouais, comme Edmond Vidal. Hein. Momon, comme on l'appelle, ouais. Oui, le chef du gang des Lyonnais. Un type notoirement intelligent. Enfin, bien plus que la moyenne des gangsters. Oui, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Enfin, donc après le hold-up de Strasbourg, ce sont ces Lyonnais qui sont soupçonnés. Oui, mais les policiers ne disposent d'aucune preuve contre eux, donc... On les surveille, on fait des vérifications sur leur train de vie, mais c'est tout. Le juge Renaud a-t-il hérité de ce dossier ? En principe, l'affaire de Strasbourg n'est pas juridiquement de son ressort. Mais s'y intéresse et va bientôt s'en emparer, car il a une idée en tête. Depuis le temps qu'il vit et travaille à Lyon, il connaît l'imbrication entre le milieu, la police et les politiciens. Et il subodore que les hold-up imaginés et organisés par Petit Jeannot, dont celui de Strasbourg... S'il y en a eu d'autres ? Bien sûr, et toujours conduit avec le même professionnalisme, si je puis dire. Donc, Renaud se dit que les truands ont pu bénéficier de complicité à un très haut niveau. Peut-être même à l'intérieur de la magistrature, où le procureur général, c'est intéressant, sera aussi celui de l'affaire Boulin, et a une spécialité. À chaque fois que la police arrête des truands liés au sac, ce haut magistrat ne tarde pas à les faire libérer. Ouais, mais... Comment Renaud est-il amené à concevoir ce genre de soupçons ? Parce qu'il lui paraît étonnant que des membres du gang soient aussi bien informés. Ouais, trop bien informés. Bien sûr. Malgré les barrages qui sont mis en place après chacun de leurs hold-up, ils parviennent toujours à passer à travers les mailles du filet. Comme s'ils savaient où étaient disposés les barrages. Mais Renaud va plus loin. Il imagine que ces sommes fabuleuses volées par les gangsters pourraient aussi avoir servi à financer les milieux politiques. Ouais. Mais attendez, est-ce seulement là une intuition ou le juge Renaud a-t-il un début de preuve ? Il connaît suffisamment bien le milieu lyonnais et les hommes du sac. Donc, il ébauche patiemment sa toile d'araignée. Mais en 1973, premier coup dur, son principal suspect, Petit Jeannot, est abattu. Ouais. L'a-t-on éliminé parce qu'il risquait de parler ? Oh, c'est très possible, mais franchement, je l'ignore. Il faut savoir que Petit Jeannot avait un sérieux concurrent dans le secteur. Ouais, un autre caïd. Oui, comme lui, issu de la résistance et très proche du sac. Jean Schneebele, un homme dont on reparlera et qui, étrangement, avait un parcours très proche de celui de Jean Auger. En tout cas, ce qui est important pour le juge Renaud, c'est qu'il voit disparaître l'un des hommes clés du hold-up de Strasbourg. J'ajoute qu'un autre membre de la bande disparaîtra lui aussi dans des circonstances mystérieuses. Ouais, c'est une guerre des gangs. C'est probable. Ouais. Mais le juge Renaud n'abandonne pas pour autant. Hein. Et il continue son enquête en liaison étroite avec la PJ et dans le plus grand secret. Mais patatras, en mai 1974, nouveau coup dur. Une bourde colossale. Ce soir-là, à la télé, il y a la fameuse émission d'Armand Jameau, Les dossiers de l'écran. Le sujet, c'est le banditisme. L'un des invités est un substitut lyonnais, président par ailleurs du jeune syndicat de la magistrature. Un syndicat dont, entre parenthèses, Renaud a été l'un des fondateurs. Et soudain, en direct, ce magistrat fait une sortie ébouriffante. Quoi ? Il déclare en substance qu'il espère ne pas avoir à découvrir que le hold-up de Strasbourg a servi à remplir les caisses d'une organisation politique. Ouais. Oui, à ce moment-là, tout le monde pense au sac. Hein. Mais pourquoi est-ce une bourde alors ? Parce que le juge Renaud travaille dans le secret le plus absolu et que d'un seul coup, cette révélation maladroite met la puce à l'oreille des truands. Et ce sont de longs mois d'enquête, de filature qui sont fichus en l'air. Sans compter que cette déclaration met aussi la vie de Renaud en danger. Et c'est ce qu'il confie à son fils ce soir-là. rendez-vous avec X. Justice pour le juge Renaud. C'est le titre d'un livre que François Renaud vient de consacrer à son père. Il évoque cette soirée de 1974 où ensemble, le père et le fils ont regardé les dossiers de l'écran. Je cite. Réaction spontanée de mon père dans son style direct mais toujours éloquent que je retranscris à peu près mot pour mot. Quel con ! Il nous fout en l'air tout un travail d'enquête, sans compter que je risque maintenant de me faire descendre. Par conséquent, le juge Renaud est conscient qu'il court un risque. Absolument. Car je vous l'ai dit au début de notre entretien, il a reçu des menaces très précises. Peu de temps avant sa mort, il en a fait la confidence à l'un de ses amis parisiens. Il a reçu à son cabinet une curieuse visite. Qui ? Deux avocats. Le nom de l'un d'eux doit vous dire quelque chose, Maître Lemarchand. Ah oui, ça, c'est un homme dont on a beaucoup parlé, entre autres, à propos de l'affaire Bette-Marquard. Sans savoir exactement le rôle qu'il y a joué. Mais enfin, bon, Lemarchand, ancien député UDR, c'est aussi celui qui a initié, sinon organisé, les opérations anti-OS perpétrées à Alger par une équipe de barbouzes. Ouais. Et on navigue donc toujours dans les mêmes eaux, là, les barbouzes, le sac. Hein. Mmh. Et peut-on savoir alors ce que ces deux avocats ont dit à Renaud ? Précisément ? Non. Non, mais on peut l'imaginer. Ils l'ont mis en garde et dissuadé de trop s'intéresser à cette affaire de financement politique par le biais de hold-up. Ouais, d'accord, mais enfin, là c'est une simple supposition. Certes. Et je dois à la vérité de dire que, bien entendu, les deux avocats ont démenti avoir délivré un tel avertissement au magistrat. Au reste, Renaud a reçu bien d'autres menaces. Ah, il y avait déjà eu cela, ces détenus de la prison Saint-Paul. Hein. Et un peu plus tard, en mars 1975, au cours d'un procès en cour d'assises, un tract vengeur contre Renaud a été distribué. Mmh. Pourquoi alors ? Bah, deux hommes étaient jugés pour une tentative de vol à l'arraché. Mais précédemment, l'un des deux inculpés avait été jugé pour une affaire d'agression armée. Or, après avoir passé 2 ans en détention provisoire, il avait été acquitté. Ah, c'était une sorte de désaveu pour le magistrat instructeur. Bah, qui était le juge d'instruction Renaud. Ouais. A-t-il voulu se venger ? Enfin, quoi qu'il en soit, pour cette deuxième affaire, le magistrat a retenu une qualification criminelle. Ouais, d'où la cour d'assises au lieu de la correctionnelle. Et aussi ce tract vengeur. En outre, les jurés ont eu la main lourde. 10 ans de réclusion. Au moment de l'énoncé du verdict, un étudiant en sociologie a injurié la cour et il a écopé d'une condamnation pour outrage. Mais c'est allé encore plus loin. Un professeur de cet étudiant a publié un article d'une extrême violence où il disait en substance que ce jugement était une incitation au meurtre. Car, écrivait-il encore, les deux condamnés en sortant de prison n'ont qu'une idée en tête. Tuer le magistrat qui les avait envoyés aux assises. Ouais, Renaud, en l'occurrence. Mmh. Alors cette affaire, bon, après celle des femmes de gangsters, peut-être détenues abusivement, montre qu'en dehors de la piste politico-mafieuse, bah, de nombreuses personnes avaient de sérieuses raisons d'en vouloir au juge Renaud. C'est certain, et à Lyon, de façon pas très innocente, nombreux ont été ceux qui ont privilégié cette thèse. Ah ouais, parce que c'était plus simple. Et que ça évitait de mettre en lumière les rapports étroits qui existaient à Lyon entre certains milieux politiques et le milieu tout court. Il ouais. ne faut pas oublier par ailleurs qu'on ne s'est pas privé de salir le personnage de Renaud. Homme à femme, fêtard, et j'en passe, un ministre de la Justice, Alain Perfit en l'occurrence, a même déclaré à la télévision que Renaud avait des méthodes de juge colonial dignes de la brousse ou du Far West. Oui, parce que Renaud avait effectivement commencé sa carrière en Afrique. Oui, curieux hommage posthume, non ? Mais je poursuis. En tout cas, menace ou pas, le juge Renaud n'est pas décidé à laisser tomber l'enquête sur le gang des Lyonnais. Et à la fin de l'année 1974, il va donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Des arrestations ? Oui, les principaux membres du gang des Lyonnais sont arrêtés, d'un seul coup. Une mobilisation de la PJ, de la gendarmerie et même des CRS comme on n'en a pas vu depuis des années. Et est-ce que ces interpellations sont-elles fructueuses ? Oui, oui. Les perquisitions qui suivent permettent de découvrir des indices accablants pour la bande de Momont-Vidal. Des caches, des armes, les cartes routières annotées qui ont permis aux gangsters d'échapper au barrage de police après le hold-up. Ouais, suffisamment donc pour nourrir un solide dossier d'accusation. Et pourtant, quand les Lyonnais seront jugés en juillet 1977, le verdict sera plutôt clément. 10 ans de réclusion pour Vidal, pour lequel on a retenu de larges circonstances atténuantes. Et je peux vous le dire, le premier étonné ne sera autre que Momon lui-même. Ouais, bizarre. Mais revenons en arrière, là. Si je vous ai bien entendu, quand le juge est assassiné, Vidal et ses comparses sont en prison. En effet. Donc ils ne peuvent pas être incriminés. Ah bah, à titre personnel, non. Mais ils sont toujours des amis et de la famille à l'extérieur. Ça signifie qu'ils ont pu faire passer des messages. Et commanditer l'assassinat de Renaud ? Ben pourquoi pas ? Cependant, même si je suis persuadé que la mort du juge est directement liée à l'affaire du gang des Lyonnais, je ne pense pas que Momon Vidal ait donné lui-même l'ordre de tuer. Ah, mais qui alors ? Ben, une information qui n'a guère été exploitée m'a intrigué. Une semaine avant sa mort, Renaud avait dit à son ami Robert Daran... Ah, c'est le journaliste Robert Daran, c'est oui. Un excellent professionnel que j'ai bien connu. Et qui était donc très lié au juge Renaud. Oui. Celui-ci avait donc confié que dans le dossier du gang des Lyonnais, il allait incessamment convoquer Jean Schnebele. L'autre parrain du milieu, là, c'est celui qui avait peut-être été à l'origine de l'élimination de Jean Auger. C'est ça, Schnebele, le roi des casinos et des machines à sous. Un homme richissime, dont, coïncidence étonnante, on avait vu l'avion sur l'aéroport de Strasbourg le jour du hold-up de la Poste. Et c'était aussi un personnage qui était à tu et à toi avec les hommes politiques de la région. D'ailleurs, il mettait souvent à leur disposition son hélicoptère. Et Renaud voulait lui demander donc ce qu'il savait des hold-up du gang des Lyonnais. Et s'il avait une idée sur l'utilisation qui avait été faite de l'argent dérobé. Mais Schnebele n'a pas eu à répondre à cette convocation puisque le juge François Renaud est mort une semaine avant. Et notez bien qu'ensuite, aucun magistrat, aucun policier n'aura l'audace ou l'impertinence de lui demander des comptes. Et Schnebele est mort dans les années 2000 sans avoir rien dit de ce qu'il savait à propos de cette affaire et aussi de l'assassinat du juge. C'est une accusation ? Oh, c'est comme vous voudrez. Un dernier mot. Il faut noter qu'à l'exception de Momon Vidal et de ses proches, le milieu lyonnais a été victime d'une véritable hécatombe dans les années qui ont suivi. Un peu comme si on voulait s'assurer que plus personne ne serait en état de révéler ce qu'il savait sur la mort du juge Renaud. Je vous rappelle la récente parution du livre du fils de Renaud, François. Justice pour le juge Renaud. Et aussi l'histoire vraie du gang des Lyonnais de Richard Chitli. Des livres dont vous trouverez les références sur franceinter.fr ou patrick.penaud@radiofrance.com. À samedi prochain, Rebecca de Nantes a préparé cette émission réalisée par Michel Biou et illustrée par Monsieur Djoub. Et bientôt, après le flash, c'est au de mon amour, du verre avec Denis Chessou.